saluer les archers du roi. Ils ont commencé la saison en fauchant les moissons avec les sabots de leurs coursiers. Ils sont venus à la maison, ils ont pris les garçons sans demander permission. Je les ai vus courber les chines sous les coups de fouet qui tombaient. Cordes d'acier bardées d'épines qui les mordaient et les saignaient. Non, ne me demandez pas de saluer les archers du roi. Non, ne me demandez pas de saluer les archers du roi. Et sur la colline tout là-bas, la potence est dressée pour pendre ce qu'on a condamné. On y accroche au matin le mendiant qui a faim, le voleur de grand chemin, celui qui dans sa colère